Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de basketball. On devait le faire hier, l'entrevue hier, mais finalement on n'a pas été capable avec Pascal Jobin. Pas mal de nouvelles intéressantes, évidemment, de Wayne Casey. Depuis le congédiement, on n'a pas parlé. Salut Pascal! Danny, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Pascal, on ne s'est pas parlé depuis le congédiement de Wayne Casey. Écoute, c'est pas vraiment une surprise, dans le fond, que Dwayne Casey ait été congédié. On s'en attendait. Moi, je prétends que ça prenait du changement. Ça en prend encore, d'après moi. Puis, il fallait s'en attendre. Mais, tu sais quoi, des fois, on est... faut pas que les gens oublient, dans le sport, à part les Spurs, là, Dwayne Casey a fait, je pense que c'est sa septième saison, toi. Ouais. C'est beaucoup dans la vie d'un entraîneur. Okay? On donne souvent des contrats de 3 ou 4 ans, puis les entraîneurs, en général, t'offrent 3 ou 4 ans. Pourquoi? Parce que souvent, il faut changer la voix dans le vestiaire. Tout le monde peut dire, mais c'est pas l'entraîneur qui joue pas bien. Je suis d'accord. Puis je suis le premier à défendre les entraîneurs. Je pense que Dwayne Casey ne méritait pas ça. Je pense que les équipes, les franchises dans la NBA puis dans le sport professionnel, ils sont souvent impatients. OK? Je vais donner le meilleur exemple, Danny. Le Canadien de Montréal a été impatient envers un joueur. Moi, je pense que c'est l'erreur qu'ils ont fait. Je pense que l'entraîneur, techniquement, a été mis dehors l'année d'après, si je me trompe. Ouais, mais est-ce que le joueur en question risque d'être changé si on se fout aux rumeurs? Les Prédateurs de Nashville, en tout cas, ça veut dire qu'il y a peut-être un message à quelque part passé. Mais quand tu fais des échanges, il y a différentes raisons que tu vas faire tes échanges. Ouais. Puis il ne faut pas t'oublier une chose. Quand il y a une échange, il y a quelqu'un d'autre qui te veut. Faut pas t'oublier ça, Danny. Ouais. Je pense que quand Piqué a négocié son contrat, il y a beaucoup d'équipes qui voulaient l'avoir. Ouais. Okay? Si je reviens aux Raptors, financièrement, ils peuvent à peu près, ils peuvent pas faire grand-chose dans l'immédiat. On est d'accord? T'es d'accord avec moi? Ouais. On sait très bien que DeRozan a connu une série pitoyable. On va s'en parler de lui. Continue, hein? Ouais. Mais pour revenir sur Dwayne Casey, je pense que lorsque le quatrième match a eu lieu, le match numéro 3, où on a décidé de mettre DeMar DeRozan sur le banc, qui était la décision de Dwayne Casey, okay? Et on a perdu ce match-là, je ne sais pas si tu étais au courant, mais Masai Ujiri, le directeur général, a rentré dans le vestiaire. Ouais. Il l'a engueulé. Okay? Non seulement il l'a engueulé, après ça, il a été dans une autre salle où ce que tout le monde pouvait entendre ce qu'il se disait, ils se sont pognés les deux. Et tu sais, moi, quand j'ai vu DeMar DeRozan sur le banc, j'ai dit « Good job, coach », parce que comme entraîneur, si on parle pur basket, il méritait d'être sur le banc. Okay? Ouais. Mais à l'inverse, un Phil Jackson, un Popovich n'aurait pas mis Tony Parker ou Tim Duncan sur le banc tout le quatrième quart. Moi, je pense que si Dwayne Casey aurait fait jouer les 3-4 dernières minutes à DeRozan, ça aurait été une autre histoire. OK? Il serait peut-être encore là. Donc, tu viens de bencher un joueur, ton joueur vedette qu'on paye 125 millions. Ben, si t'es pour perdre, perds avec lui sur le terrain, pas avec des recrues sur le banc. OK? Ben, tu perds meilleur. C'est crucial dans la décision de Dwayne Casey. Maintenant, si les Raptors, la série, ils la perdent contre Cleveland en 7 matchs, il est encore là. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est la façon que tu as perdu. C'est pas d'avoir perdu, c'est de la façon que tu as perdu. Là. Exactement. Mais moi, je pense que ça prenait du changement. Ça fait la troisième fois que les Raptors perdent contre les Cavaliers de Cleveland. Deux fois, je pense qu'ils ont été balayés. À un moment donné, quand ça ne marche pas, il faut que tu changes la recette un peu. Peu importe. On parle de 10 matchs consécutifs. Là. 10 défaites. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, ça peut être changé. Je vais te dire quelque chose. Ouais. Si la rumeur était Budenholzer, mais je pense qu'il vient de signer un contrat avec les Bucks. C'est fait, Budenholzer. Mais lui, il n'a jamais battu LeBron non plus. Puis il y a eu une saison à Atlanta avec 60 victoires. Il avait perdu contre LeBron James. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'était en 2015, ça, c'est, semble-t-il. Avec les Hawks d'Atlanta dans le cas de Budenholzer. Avant de parler des succès. On va en parler tout de suite. Ouais, qui va succéder, d'après toi, à Dwayne Casey? Je suis surpris que Jerry Stackhouse n'était pas le premier candidat. Parce que Stackhouse était élu par les Knicks de New York. Oui? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que les Raptors sont prêts à l'engager? Excuse-moi. Oui. Là, on parle d'une équipe qui devrait aller en finale NBA. C'est trop un jeune coach inexpérimenté, okay, selon moi. On cherche un... Tu sais quoi, je vais donner un exemple. Ouais. Stan Van Gundy. Ouais. Jeff Van Gundy. Mark Jackson. Ouais. Ça pourrait être des entraîneurs de ce calibre-là qui ont emmené des équipes à des finales NBA. Tu comprends? Je pense pas qu'on va engager. New York. Ça fait deux ans que tu vas me dire c'est pas la même affaire, puis t'as raison. La Ligue de développement. Ouais. Il serait peut-être prêt à avoir une job comme assistant entraîneur dans la NBA numéro 1. Mais je serais... Peut-être qu'à la dernière minute, c'est lui qui va avoir la job. Mais là, on parle de Rick Nurse aussi, qui serait, semble-t-il, Rick Nurse qui serait un des candidats qui serait en avance actuellement. Ouais, mais lui, tu vois, c'était le premier assistant de Dwayne Casey. OK. Mais je vais te dire quelque chose, Danny. Si tu veux changer quelque chose, tu peux pas engager Nurse. Ouais. Faut que tu changes ton staff au complet, là. Tu sais, l'équipe des Canadiens de Montréal à Laval, l'équipe de développement, ils ont mis tout le monde dehors. Puis si tu veux du 109, ça prend du 109 de A à Z. Ah oui, là. C'est clair. T'amènes un entraîneur chef, faut qu'il amène ses assistants avec du nouveau monde. Sinon, ça change. Tu peux pas enlever Dwayne Casey puis donner ça à son premier assistant. Okay. Je le vois pas. OK. Mais dis-moi, est-ce que ça pourrait être un gars qui est un adjoint Steve Kerr? Oui, Mike Brown. Mike Brown, oui, ça pourrait. Mais il n'est pas... Il y en a plusieurs. Il n'est pas nommé, là. Mais si tu prends la fiche... Je te donne un exemple. Si tu prends la fiche d'Atlanta qui n'a pas été une bonne saison, le nouvel entraîneur, c'est un assistant des Sixers de Philadelphie. OK. OK. Si je me trompe pas, Larry, j'ai un petit blanc de mémoire, là, mais c'est un jeune que t'as pas vraiment entendu parler, OK? Ouais. Mais c'est pas une équipe qui s'en va nulle part en ce moment. Ben, c'est une équipe qui est probablement les prochains dans la liste, là. Ouais, mais Atlanta a rien fait cette année. Je pensais que tu parlais de Philadelphie, excuse-moi. Non, je parlais d'Atlanta. OK. Le nouvel entraîneur d'Atlanta, ça aurait pu être Jerry Stackhouse. Ouais. Là, tu prends une équipe qui vient de, je pense, fait trois saisons qu'on a 50 victoires. OK. On est à la porte de la finale de l'Est, on est rendu avec cette équipe-là, la meilleure fiche dans leur histoire cette année. Tu peux pas engager un entraîneur qui a jamais été un entraîneur dans la NBA. Tu peux pas engager quelqu'un qui a jamais amené son équipe. Sur ton pedigree, tu dois avoir presque au moins une finale, okay, dans une des conférences. Je sais pas si tu comprends ce que d'un Stan Van Gundy ou d'un Mike Brown. Mais ils sont pas. Oublie pas une chose, si on n'entend pas parler de candidat à Toronto, peut-être que c'est un assistant qui est dans les quatre équipes, à Cleveland, à Boston. Il y a un Canadien, Morrison, je ne me trompe pas. Okay. Peter, il peut t'en parler, Scott Morrison, je pense qu'il est assistant avec les Celtics. Il a peut-être pas fait beaucoup de choses, mais il est dans un environnement gagnant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Tu vas aller chercher quelqu'un qui est sur un banc NBA et qui est habitué d'avoir des équipes de finale puis qui va bien gérer DeRozan et Larry. Ben, mais à partir de là, oublie pas qu'on va avoir un nouvel entraîneur à Toronto, ça on le sait, mais je m'attends à ce qu'il y ait des changements. Ben, je m'attends, c'est ça, c'était ça ma question maintenant. En début d'entrevue, je t'ai dit, Pascal, Dwayne Casey, on devait le congédier, c'est triste, mais il faut que tu changes la recette. Et je t'ai dit, je m'attends à d'autres changements. Est-ce qu'on va échanger soit DeRozan ou Laurie? Laurie, 32 ans, je ne suis pas sûr qu'il va être repreneur. Mais DeRozan, est-ce que tu penses qu'il pourrait-il marcher les échanges? Les deux ouais. Pourraient ne plus être à Toronto après le draft. Les deux? Ah, je pense qu'en ce moment, du côté de Toronto, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Tu comprends? Ouais. Je te donne un exemple. On est quand même satisfait du banc, on est satisfait des jeunes. Probablement que Valanciunas aussi. Je pense que Ibaka, Valanciunas, Larry puis DeRozan, il y en a au moins un, peut-être deux de ces quatre-là qui seront pas là l'année prochaine. OK. Mais donc, c'est quand même. Parce qu'il faut que tu changes la recette, il faut que tu changes le noyau. Quand ça marche pas. Là. Peu importe l'affiche, tu es jugé selon les séries éliminatoires. Hey, Pascal, les Celtics contre les Cavaliers. Est-ce que les Cavaliers, ben, tu l'avais dit, ont trouvé leur Waterloo. Tu l'avais dit que les Celtics allaient donner beaucoup de pince à la planche aux Cavaliers. Mais je m'attendais qu'elle Cleveland allait en chercher une à Boston. Puis ça n'a pas été le cas. Écoute, si les gens ont la chance de voir cette équipe-là jouer, je parle des Celtics de Boston, ouais. c'est du basket de toute beauté. Cleveland, en ce moment, on met tout sur LeBron James. Il faut que le reste des joueurs aident un petit peu. Okay. Et quand je dis aide un petit peu, Kevin Love, numéro un. Je pense que c'est drôle ce que je vais dire, là, mais Danny Ainge, il a enlevé le joueur qui aurait fait que Cleveland aurait battu Boston facilement. Maintenant, en l'ayant dans son équipe, qui joue pas, il l'a enlevé de Cleveland. Je parle de Kyrie Irving. Ce qui manque en ce moment dans la finale de conférence pour Cleveland, c'est un Kyrie Irving. T'es d'accord avec moi? Ce que Rozier, Tatum, Brown, Morris et Horford font en ce moment, c'est spectaculaire. Et j'ajoute Smart aussi. Ce sont des joueurs étoiles. Okay? Danny, écoute bien ce que je vais dire. C'est des gars de 20-21 ans. Là. Ce sont des joueurs, des All-Stars dans les années à venir. Tatum, Terry Rozier, là, qui était assis sur le banc derrière Kyrie Irving, qui jouait quelques minutes, a démontré qu'il est capable d'être un meneur partant pour une équipe championne. Il a-tu joué dans la G-League, lui? Son agent, il est super content. Là. Ouais. Il a-tu joué dans la G-League, lui? Je pense que oui, hein, parce qu'il y a... Faudrait-tu vérifier? Je pense qu'il a toujours été avec l'organisation des Celtics. Là. Okay. Mais même James, il y avait une photo de LeBron James avec Terry Rozier puis Jason Tatum à son camp. Okay. Le camp de LeBron James. Okay? Puis LeBron James, j'ai dit, ce que Terry Rozier fait en ce moment, nous autres, on savait, on a toujours su qu'il était capable de faire ça. Maintenant, il a l'opportunité de le faire plus longtemps. C'est pour ça qu'ils perdent un haut niveau. La seule affaire que je veux dire, Danny, c'est que Boston, cette année, dans les séries, un peu dans la saison, c'est pas la même équipe sur la route. Mm. Il y a beaucoup de statistiques qui drop. Ils sont très à l'aise à la maison. Si Boston réussit à gagner un des deux matchs à Cleveland, c'est ça la clé. C'est fini. C'est fini pour Cleveland. Si Cleveland gagne les deux matchs, je pense qu'avec un LeBron et un petit peu d'aide de ses coéquipiers, il est capable d'envoyer une à Boston. Mais moi, je donne la série à Boston, mais tu me connais, je suis un fan fini de LeBron James. Moi, j'avais dit, faut pas jamais parier contre LeBron. Fait que, ne jamais parier. Et dans l'autre finale, les Warriors ont gagné le premier match assez facilement, mais les Rockets, dans le deuxième match, ont remis les choses à l'ordre. Ils ont remis tous les analystes, les reporters, les journalistes, parce que tout le monde a dit après le premier match, c'est fini. Le style de Mike D'Antoni est pas bon. James Harden, tout d'un coup, James Harden, il est plus bon. Tu sais, ça me fait rire, Danny, parce que, puis tu dirais ça à ton ami Peter Yiannopoulos, tout le monde parle de LeBron James qui tient le ballon trop longtemps, blablabla. Bla, bla. James Harden, je pense qu'il y avait un statistique qui ont montré dans un match. Dans le match numéro 1, il y a 255 dribbles. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire quand il dribble. Quand tu dribbles le ballon, là, il y a quelqu'un qui a compté le nombre de fois qu'il a dribblé le ballon. Puis Klay Thompson, Kevin Durant, Steph Curry, je pense, puis Draymond Green, il y en avait comme 3 de plus que lui ou 3 de moins que lui, à lui 4. OK? Dans la conférence de presse après match, l'entraîneur Mike D'Antoni a dit, moi, je ne change rien. Mm. On est rendu là, on va faire la même chose. Et James Harden, n'oublie pas que le premier match, il a fait 41 points. Le deuxième match, qu'ils ont gagné par 24 points. Il n'y avait pas de game, là, rendu au quatrième quart. OK? Il y avait le banc des Warriors, là. J'étais vraiment content de voir qu'ils ont... Je m'attendais pas à ce que les Warriors... Peut-être qu'ils perdent, mais pas de cette façon-là, tu comprends? C'est sûr. Et je vais te dire quelque chose. Peter Yiannopoulos a tweeté pendant un de ses matchs à RDS. Kevin Durant, meilleur joueur sur la planète. C'est quoi, Danny? Absolument pas. LeBron James, c'est encore le king. Sais-tu pourquoi? Ah non, LeBron. LeBron James au match numéro 2, 42 points, 10 rebonds, 12 aides, OK? Ouais. Tu sais que Kevin Durant, dans les deux matchs de conférence, il a 37 points, 38 points, OK? Mm-hmm. Il y a un assist, il y a un aide. Ouais. Kevin Durant, c'est comme un meilleur Carmelo Anthony, mais c'est pas le meilleur joueur sur la planète. Je m'excuse. T'enlèves Kevin Durant, tu mets avec Cleveland, Cleveland perd en première ronde. Ben, c'est même pas dans le top 5. Dans le top 3. Non, mais je veux juste, parce que c'est que tu parles avec Peter des fois, Peter, des fois, il en met plus. Ça reste entre nous deux, je sais que tout le monde écoute. Peter, il en met plus. Okay. Parce qu'il n'aime pas LeBron. Ah. C'est pas une question d'aimer ou non. Hein? Quand tu fais de l'analyse, tout ça, que t'aimes pas une personne ou non, c'est pas grave. Faut que tu sois conscient de ce qu'il peut faire. Ben ouais. Puis ce que LeBron James fait cette année, depuis 15 ans, c'est phénoménal. Ben et Kevin Durant avait la chance de battre les Warriors. Il l'a pas fait. Il menait 3-1 avec Oklahoma. Il a perdu. Il s'est joint à cette équipe-là qui avait gagné 73 games avant pour gagner son premier championnat. Mais je regarde la série, là. S'il n'y a pas Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Kevin Durant, il fait rien. Le seul... Oui, il peut scorer. Mais il n'y a même pas 10 rebonds. Il y a une assist en deux matchs. Un aide en deux matchs. Je m'excuse, c'est pas LeBron James. Le seul qui est meilleur que LeBron, c'est Michael Jordan, dans mon livre à moi, qui serait meilleur que LeBron. On est d'accord avec ça. Michael Jordan, tu m'as déjà dit qu'il serait encore meilleur aujourd'hui dans le style des années 2000-2018. Hey, Pascal, en terminant, je veux te parler de Becky Hammon. Tu sais qui, Becky Hammon? L'instructeur des adjoints des Spurs de San Antonio, elle est l'adjoint Greg Popovich. Est-ce que tu penses que Becky Hammon, qui est une femme, va devenir un jour instructeur de la NBA, devenir la première femme? Ouais. Ouais? Ouais. En ce moment, elle fait des entrevues. Ouais, ben les Bucks de Milwaukee, c'est pour ça que je te viens là-dessus. Les Bucks de Milwaukee. Ils n'ont pas engagé, elle était là. Ouais, elle était dans les candidats pour succéder à Jason Kidd. Ouais. Tu penses que le jour est pas loin? Le jour est pas loin. Ça pourrait même être cette année. Ce serait tout qu'un step, hein? Est-ce qu'elle aurait le respect des joueurs? Elle l'a à San Antonio. Ouais. Les joueurs, entre eux autres, se parlent, Danny. T'es conscient de ça. Et oui, je suis convaincu qu'elle aurait le respect des joueurs tout de suite parce qu'elle connaît son basketball. Comme on dit dans le sport, elle a payé ses 12. Okay? Ça fait plusieurs années qu'elle est avec les Spurs et l'organisation. Elle a coaché des matchs pendant la Ligue d'été. Elle est aussi prête que n'importe quelle. Elle est aussi prête que Jerry Stackhouse. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis peut-être encore plus prête que Jerry Stackhouse par rapport du fait qu'elle est quand même assise sur le banc des Spurs depuis plusieurs saisons dans les matchs NBA. Tu comprends? Elle fait des pratiques. Elle s'occupe de faire des pratiques souvent. Fait que non, j'ai aucune inquiétude que si c'est pas cette année, c'est dans les années qui s'en viennent. Ce serait la première femme à diriger une équipe de sport professionnel. Puis tu feras tes homework, comme on dit, Danny, mais la NBA est à chaque année gagne la ligue au niveau de minorité, au niveau salaire, au niveau d'avoir des femmes dans des positions que ce soit présidente de club, ça soit. La NBA est toujours à l'affût. Écoute, le président de l'association des joueurs, c'est une femme noire. Ouais, OK. OK? Il y a plusieurs équipes de NBA. Tu regardes le staff d'analyste aussi maintenant. Il y a beaucoup de femmes impliquées dans... Ouais. La NBA est très, très, très avant-gardiste sur presque toutes les ligues. Ce serait tout qu'un step pour la NBA, j'ai l'impression. Ouais. Pascal, on se reparle la semaine prochaine? Un plaisir. Collaborateur Pascal Jean.